Un matin tu verras, tu vas me demander si le temps changera, oh, oh, ma façon d'aimer. Si ces bras qui t'entourent auront toujours envie de faire de notre amour, oh, oh, seul but de ma vie. Tant que je vivrai, mes yeux ne verront que toi. Je prierai pour chasser l'hiver et le froid. Tant que je vivrai, toi seul m'habiteras. Aussi vrai matin tu diras, ces mots que j'attendais, j'attends un enfant de toi, oh, oh, et je t'embrasserai. Puis un jour il partira et l'on n'y pourra rien, nous resterons toi et moi, oh, oh, chemin. Tant que je vivrai,